boyoka o boyoka malamu e isolo na memeli bino nazando moko bako tekisa indanda oya mabeo etondi putulu etondi salite bato nyoso baini yango e kasisi mamwantango nganga mayele ye aleka kyo alokotili ndanda alongoli putulu mpe abandi kobeta ngwe kobeta kobeta kobeta malamwe belindando ye komi na kilo Zembo oyo bo uti koyoka ya lindanda ezali histoire munene ya salut ndenge bokolanda yango ezali ete lindanda moko bazali kotekisa mezaki tellement salité batiango talo tobanda nete na 10 francs me bato balingaka kosomba te alors connaisseur ayekula penda guitare oyo ayebi koreconnaître valeur ya instrument alokotianga longoli pusie tanga bandi obeta bato bayinaki yango quelque temps bazongi mpo baya kosomba yango emati mpe ekomi ki ekomi komi cher très très cher à tel point bato banegligaki yango bakoma koregrete na nsima c'est aussi l'histoire du salut biso otan toza na mokili toaka vraiment na valeur te mais les connaisseurs de Jésus-Christ ont yebi ba perle wa chakati na biso tanga lokoti biso asukoli biso le lo tokomi na valeur le lo tokomi pe bato donc yango ande histoire ya lindanda kola pambola bino.